Chapitre 1. Il y avait une fois, au pays bas-normand, une veuve et sa fille qui vivaient pauvrement, dans une pauvre maisonnette, au mur de torchis et au toit de chaume, comme toutes celles de la campagne d'alentour. Une petite vache, des poules, un cochon, sauf votre respect, un courtil peu étendu, un jardinet et quelques pommiers formaient tout leur avoir, auquel s'ajoutait le mince produit de leur fuseau, qui tournait sans cesse. Grâce aux indications de l'anonyme, je puis préciser l'endroit où s'élevait la maisonnette de la veuve. C'était dans l'un des hameaux qu'on voit éparpillés à travers la verdure, sur les pentes méridionales du mont de Sérisy, à une faible distance de la célèbre abbaye de Belle Étoile, et à quelques milles des murs de Trenchebray, qui, soit dit en passant, était alors une petite ville assez malpropre, mais ne fut à aucune époque une caverne de voleurs, ainsi qu'on l'a faussement prétendu. Notre veuve portait gaillardement ses 55 hivers. Elle n'avait rien d'attrayant, je dois le confesser. Elle était longue et maigre comme le carême, laide comme le péché et mauvaise comme la lèpre. Quant à son caractère, c'était le plus maussade, hargneux et acariâtre, que le ciel eût jamais créé dans son juste courroux. On l'avait surnommée la mère Rabat-joie, parce que sa seule présence suffisait pour abattre et éteindre toute joie et tout contentement. Son mari, qu'on appelait le père Mathieu, succomba à 10 de mariage qui furent 10 ans de lente torture. Il expira en bénissant la mort qui le délivrait de sa femme. Le curé de la paroisse était très attaché au père Mathieu, qui avait été son chantre et son sacriste. Il annonça en chaire qu'il dirait un certain nombre de messes pour le repos de cette âme en peine. Mais le père Mathieu revint tout exprès de l'autre monde pour le prier de n'en rien faire, assurant qu'il n'avait besoin de rien, que son âme était en repos, et qu'il était allé tout droit en paradis, ayant fait son purgatoire ici-bas. Si la mère Rabat-joie fut méchante et dure envers son mari, on s'imagine aisément qu'elle ne le fut pas moins envers sa fille, laquelle avait nom Mariette, et semblait prédestinée au même sort que son père. Mariette était alors dans tout l'éclat et toute la fraîcheur de la jeunesse. Elle était bonne comme la manne du ciel, belle et radieuse comme une aube de mai, chaste et pure comme le lys du vallon, modeste, recueillie et obéissante comme une nonne, avec cela très dévote à la bienheureuse Vierge Marie, à l'archange Saint-Michel, au vainqueur du démon, et aux saints anges, gardiens et protecteurs de sa vertu. Sa bonne grâce, son air candide et son air angélique, patience lui avait gagné tous les cœurs. Chose à peine croyable, elle n'avait jamais donné le moindre signe de coquetterie. Bref, elle était au physique et au moral, tout l'opposé de sa mère, et l'on se demandait par quel caprice ou quel prodige de la nature, une si vilaine chouette avait pu mettre au monde une si douce, tendre et innocente colombe. Dans l'opinion du peuple, Mariette passait pour une sainte, une vraie sainte du paradis, ce qui alors n'était point rare, mais ne se voit plus depuis longtemps. Cette auréole de sainteté, loin de toucher l'âme de son odieuse mère, ne fit que l'exciter à redoubler de mauvais traitements. Grondée, accablée d'injures, souvent battue, la pauvrette souffrait en silence, offrant ses peines au Seigneur en expiation de fautes qui n'étaient pas les siennes. Tandis que d'autres jeunes filles, fières de leur bonheur, traversaient joyeusement la vie, la chanson aux lèvres et le front couronné de roses et de myrtes, elles s'y traînaient douloureusement, courbées sous sa lourde croix et le front couronné d'épines. Parmi les jeunes gens les plus huppés et les plus riches de la contrée, plus d'un, ému de son malheur et séduit par ses charmes, eut volontiers tenté de l'arracher à son dur esclavage, en se l'attachant par les liens de l'hyménée. Plus d'un même fut assez téméraire pour aller demander sa main. Mais la mère Rabat-joie rabattit leur ardeur amoureuse. L'accueil fut si brutal qu'il dut refuir à toutes jambes et s'estimèrent heureux d'avoir sauvé leurs yeux des griffes du monstre. Cet exemple refroidit le zèle des autres prétendants, qui, de guerre lasse, renoncèrent à une poursuite par trop dangereuse. Évidemment, pour dompter ou endormir le dragon redoutable qui veillait à la garde d'un si précieux trésor, il n'eût fallu rien moins que le diable lui-même. La jeune victime fut donc abandonnée à son triste sort et se vit irrévocablement condamnée à mourir vierge et martyre. Mariette était aussi laborieuse que bonne. C'était une excellente ménagère et une fileuse incomparable. Entre ses doigts de fée, le chanvre disparaissait si vite que les gens du pays croyaient que les anges descendaient du ciel pour l'aider à filer sa quenouillée. Elle était propre, soigneuse, et lorsqu'elle ne filait pas, on la voyait vaquer avec ardeur aux soins multiples du ménage. Elle cousait, lavait, repassait, nettoyait la maison, apprêtait les repas, traillait la petite vache, sa seule amie dans cette solitude, battait le beurre et en faisant de six exquis qu'il eût pu figurer sur la table du pape. Sa mise était toujours d'une extrême simplicité. Pas de colifichet, ni de parure, ni aucun de ces riens coûteux, inventés pour la perdition des femmes. Elle ne paraissait jamais aux assemblées. Elle n'allait à aucune noce, quoiqu'elle en fût souvent priée. Sa seule sortie était pour se rendre à l'église, où elle priait avec une ferveur exemplaire. Notre siècle corrompu ignore, hélas, ses vertus simples et rustiques. La perversité des villes a envahi les campagnes et en a altéré les traditions et les mœurs. L'innocence primitive s'est enfuie, la face voilée vers d'autres sphères, et le mal, qui jadis était partiel et passager, est devenu général et durable. Il est aisé de voir que nous approchons de la fin du monde. Un soir, à la veillée, Mariette préparait le souper et tendait la pâte grise de sarrasin sur la galettoire de terre cuite que chauffait un feu clair. Ce n'était pas la galette du riche, mince, légère, où abondait le beurre et les œufs frais, mais la galette du pauvre, lourde, massive, sans œufs, et presque sans beurre. Le matin, un amoureux s'était présenté. Il fut reçu, cela va sans dire, en ennemi, et ce fut un miracle s'il ne laissa pas sa peau sur le champ de bataille. L'humeur de la mère rabat-joie s'en était ressentie. Ce n'était plus du vinaigre, c'était du vitriol. Mariette fut injuriée tout le jour et souffletée à plusieurs reprises, comme si c'était un crime pour une jeune fille charmante et malheureuse d'inspirer la pitié et l'amour. Le soir, l'orage grondait encore, et la grêle menaçait toujours. Mariette tremblait comme la feuille. Sa main était mal assurée, et en voulant retourner la galette, elle la laissa maladroitement tomber dans les cendres. À la vue de cette catastrophe, la mégère pousse un cri de rage. « Coquine » hurle-t-elle, « ribaude, dévergondée, tu n'en fais jamais d'autre. Je voudrais que le diable t'emporte. » Et elle répète par trois fois d'une voix stridente, « Oui, je voudrais que le diable t'emporte. » Fatale imprudence, par le plus grand des hasards, à cet instant même, le diable rôdait aux alentours, étant venu dans le pays pour aider un baron de ses amis à délivrer une jolie nonin, enfermée contre son gré dans un moutier du voisinage. Le cri de la mère rabat-joie, retentissant dans les ténèbres, parvint à son oreille. Il reconnaît sa voix, entend son vœu impie et fait un bond de joie si violent qu'il casse comme un fétu, avec son crâne, une grosse branche de pommier sous laquelle il passait à ce moment. D'ordinaire, il ne prêtait aucune attention aux souhaits de cette sorte. S'il lui fallait emporter tous ceux dont on fait don ou qui se donnent à lui, son temps si précieux n'y suffirait point. Mais cette fois, le cas est bien différent. Il ne s'agit pas d'une proie vulgaire. Il s'agit bel et bien d'une sainte, d'une véritable sainte. Quel triomphe pour ce maudit, si à la barbe du Tout-Puissant, il emportait une sainte au séjour des damnés. Tout l'enfer serait dans l'allégresse, et l'on devine sans peine ce que peut être l'allégresse de l'enfer. Les gazetiers de là-bas lui consacreraient des articles élogieux et menteurs, où l'enthousiasme déborderait à tant la ligne. Les poètes lui dédieraient des strophes enflammées, les hauts dignitaires lui liraient des adresses, et baiseraient avec respect ses pieds de bouc. Les gardes-churnes l'acclameraient à grand bruit de chaînes. On lui élèverait des arcs de triomphe, faits d'ossements humains, et sa gloire éclipserait celle des plus fameux conquérants, qu'il connaissait tous intimement, puisqu'il logeait chez lui. Pour dire le vrai, il se méfiait de la mère rabat-joie. Elle ne lui était pas inconnue, et il ressentait même pour elle de l'estime et de l'amitié, à preuve qu'il lui réservait une chaudière d'honneur. Mais enfin, il s'en méfiait, et ne comptait guère qu'elle accomplît religieusement sa promesse. Il comptait plutôt sur lui-même, et sur l'abondante provision de ruses, de pièges et de stratagèmes qu'il portait toujours dans son bissac. Aussi, sans s'amuser aux bagatelles, conçut-il sur le champ un projet machiavélique et diabolique, qu'il n'allait pas tarder à mettre à exécution, et dont nous verrons plus loin les fâcheuses suites. Le roi des damnés avait raison de se méfier de la mère Rabat-Joie, car elle ne songeait nullement à lui livrer sa fille, laquelle après tout était le sang de son sang et la chair de sa chair. Elle avait été trop vive, c'est évident. Elle avait parlé sans réfléchir, dans un accès de colère. La visite intempestive de l'amoureux, puis la vue de la galette renversée dans les cendres, l'avait mise hors de ses gonds et lui avait fait oublier les règles de la civilité. Mais un chrétien n'est pas tenu d'accomplir une promesse imprudente. Jarnique-t-on, donnez sa fille à Satan. Jamais de la vie. Et qu'il ne s'avisa pas de venir la réclamer, car, foi de Normande, elle lui casserait les cornes. À cet endroit du récit, l'auteur anonyme de la légende, qui était très probablement un moine de l'abbaye de Belle Étoile, et paraît avoir beaucoup connu la mère Rabat-Joie, entre à son sujet dans des détails curieux et instructifs, dont je me ferai un scrupule de priver mes lecteurs. À l'en croire, la veuve du père Mathieu était une femme de principes austères, auxquels elle conformait tous ses actes, et elle avait des idées très personnelles sur une foule de questions. Elle en avait, par exemple, sur l'éducation des filles, et avait imaginé un système éducatif qui reposait tout entier sur l'antique maxime « qui aime bien, châtie bien ». Elle prenait la maxime à la lettre et appliquait son système dans toute sa rigueur. C'est parce qu'elle aimait sa fille qu'elle la châtiait sans l'ombre d'une raison, et c'est parce qu'elle l'aimait beaucoup qu'elle la châtiait sans miséricorde. Qui aime bien, châtie bien. C'était logique, mais très désagréable pour la pauvre Mariette. Ses idées sur la propriété n'étaient pas moins dignes de remarque. « Ma fille, disait-elle, est ma propriété, mon bien, ma chose, puisque c'est moi qui l'ai faite. Elle oubliait le père, Mathieu, mais passons. Quiconque, sous prétexte de mariage, s'introduit chez moi et cherche à me la ravir, attend à ma propriété. C'est un voleur, un pirate, un scélérat, et je lui briserai les reins, jour de Dieu. Au surplus, ajoutait-elle, je ne veux pas qu'elle se marie, et elle ne se mariera pas, car tel est mon bon plaisir. On est mère ou on ne l'est pas. C'est ainsi que la mère Rabat-Joie comprenait la propriété. Il est douteux que les prétendants à la main de Mariette la comprissent de la même façon. L'opinion qu'elle professait sur les hommes en général était tout à fait singulière. Pour elle, l'humanité n'était qu'une immense fourmilière de petits êtres vicieux, difformes et ridicules, qui passaient tout leur temps à se contredire et à s'entre-dévorer. C'était une espèce plus nuisible qu'utile, et dont la perte affligerait plutôt le diable que le bon Dieu. Conclusion, l'humanité est haïssable, il faut la haïr. Et toujours conséquente, elle détestait cordialement l'humanité qui le lui rendait avec usure. Mais ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était le diable. Elle lui avait juré une haine farouche, implacable. Il était sa bête noire et son cauchemar. Dans ce sentiment, il entrait de la jalousie de métier et une peur atroce d'aller bouillir dans la grande chaudière. Autant elle exécrait le diable, autant, par une conséquence naturelle, elle admirait et révérait l'archange Saint-Michel, qui l'avait combattu et vaincu. Il existait dans sa paroisse une confrérie d'hommes qui avait Saint-Michel pour patron, et qui, chaque année, accomplissait un pèlerinage au Mont-Béni, où trône le glorieux archange. La mère Rabat-Joie ne manquait jamais d'en faire rapporter, par quelques pèlerins, des médailles de plomb à l'effigie du saint et de menus objets de piété, qu'elle conservait comme un talisman. Cette confrérie possédait sa chapelle dans l'église paroissiale, avec un autel spécial surmonté d'un groupe, œuvre d'un moine sculpteur de l'abbaye de Belle Étoile, et qui représentait Saint-Michel terrassant le démon. Rien de si noble, de si animé et de si harmonieux que ce groupe où le génie de l'humble religieux avait mis comme un souffle de vie. Le guerrier céleste se dressait superbe, faisant flamboyer dans sa main l'épée vengeresse. tandis que l'Éternel, révolté, se tordait en rugissant sous son pied vainqueur. Des cierges brûlaient devant la sainte image, et la mère rabat-joie y avait toujours le sien. C'est là qu'elle venait faire ses dévotions accoutumées, profitant du moment où l'église était déserte, afin, disait-elle, d'avoir moins de distractions. Agenouillée devant l'autel, elle priait d'abord le saint longuement et avec humilité. Puis, sa prière faite, elle sautait sur ses pieds, et menaçant du poing le démon, elle l'apostrophait ainsi. « Viens, sire, tu es laid comme Judas Iscariote, noir comme la conscience d'un procureur, barbu comme un bouc, cornu comme un mari trompé, et tu portes des griffes sales et crochues que t'envirait un usurier juif. Tu fais une grimace aussi drôle que celle du braconnier Jean le Borgne, que les archers emmenèrent et que je vis pendre à Domfront. Tu es plus méchant que moi, vieux loup-garou. Je voudrais te voir rôtir à la broche dans ta cuisine d'enfer, et je t'arroserais de grand cœur avec du plomb fondu. Si je te tenais bandit, canaille, hérétique, je t'arracherais la queue, je t'arracherais les griffes et les cornes, puis je te tordrais le cou comme à un poulet. Ainsi soit-il. » Le démon ne répondait pas, et la mère rabat-joie, ayant débité son chapelet d'injures, qu'elle appelait l'oraison au diable, s'en retournait triomphante et satisfaite.